OK, le ministre fédéral, parce que vous savez que Agnès Maltais avait fait un appel à l'aide, un appel de détresse, un SOS à Ottawa. Un appel plus vigoureux. En nous disant que seul le fédéral avait le pouvoir de fermer la frontière à des gens. Juste vous rappeler que le Palais des Congrès, ça découle du gouvernement. Exact. Et qu'ils ont loué une salle, mais en tout cas... Mettons qu'on fait abstraction de ça puis qu'on veut chicaner avec le fédéral, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, c'était eux autres à faire quelque chose au fédéral. Bien, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Stephen Blaney, a répondu à Mme Maltais et il étudie toutes les options pour contrer la venue à Montréal de prédicateurs islamistes. Mais toutes les options excluent leur fermer la porte du Canada. Donc, M. Blaney nous dit, on peut pas fermer la porte, c'est de la liberté d'expression. Il a le droit, il a raison. Ouais, je suis pas sûr, là. Il a raison, mais c'est haineux en même temps. C'est pas sûr jusqu'à quel... La liberté à l'arrêt tout, c'est même dans le code criminel. La littérature haineuse, des propos haineux. Et ça, ça en est. J'aimerais ça que les conservateurs consultent avec les avocats aussi. Je sais pas s'ils l'ont fait, mais en tout cas, c'est haineux, là. Monsieur Blaney nous dit qu'il est sur le cas. Je cite l'article de Fabrice de Pierrebeau présentement. Leur fermer la porte du Canada ou interdire la conférence ne constitue pas des options explorées.